verse mes fers. Les mots immergent mes fers. Mes frères savent vers le cru ma paix. En pur ça avec les vapeurs glacées. L'avenir rayé comme la pH d'un C. Gros, une poêle de neuf sur le roi de la jungle. Gros, la force des mots dépasse la force des gestes. Gros, braque le game, on parque la presse. Gros, assure le spectacle pour les rats de la caisse. Gros, la violence reste un arme à paix. Gros, la menace gratuite n'est que l'art d'un fait. Gros, la confiance reste la base de mon cerf. Gros, j'ai vu l'argent changer la race de mon frère. Gros, en émissaire de la rage intègre. Gros, on baisse la biche pour la gloire de la paix. Gros, un son de banlieue à la crème parisienne. Gros, balance les cadavres sur les quais de la Seine. Yeah, ils ont passé les hommes dans mon guidon. Qui danse et coule et puis les portes me dégoûtent. Gros, gros, mal au cœur qui perce mon âme. Et à micro, ils achètent. Faut qu'on les flingue, qu'on les flingue. Ils ont passé les hommes dans mon guidon. Qui danse et coule et puis les portes me dégoûtent. Gros, gros, mal au cœur qui perce mon âme. Faut qu'on les flingue, qu'on les grandit. J'ai dans un monde froid. Bientôt des rois, le monde de demain nous appartient. Tu connais le refrain, gros. J'ai pris les armes malgré moi, tu sais. On a tous pris le mauvais chemin qui mène au succès, gros. Dans la vie on est très peu à défendre ce clan, à serrer les rangs. Négro, tu perds ton temps, mon âme n'est pas à vendre. Écarte les âmes sensibles, c'est la guerre des gangs. Guette leur musique de patrin. C'est tectonique et parade. Les négros ont des sacs à main sur Paname. Une musique de pute me saoule, c'est la dirty. Qu'il t'aime, c'est nom de mon son pour les rorties. Un avertissement, viens pas sur nos terres. Si t'as pas du grand foulcan, si t'as pas les couilles, frère, les hyènes t'observent. Mes frères d'armes posent pas de questions, c'est délinquant, c'est rébellion. Ils ont passé les hommes dans mon guidon. Qui danse ses coups et puis les poids me dégoûtent. Mal au cœur qui perce mon âme. Et à micro les achète. Faut qu'on les flingue, qu'on les flingue. Ils ont passé les hommes dans mon guidon. Qui danse ses coups et puis les poids me dégoûtent. Mal au cœur qui perce mon âme. Et à micro les achète. Faut qu'on les flingue, qu'on les flingue. Les petits frères portent la crête. Négro, c'est la merde, ils crachent sur leur paix. Affamer les hyènes qui restent solitaires. Plastiquer le boss, réunir sa mère. Affirmer nos règles, calibrer de war ou sur scène. Fier jusqu'à la dernière bouffée terre, sa mère, le son est presse. Signé S-O-N-A-R, négro, les vrais capent les signaux, les faux restent à terre. Parce que le monde est à nous. La banlieue c'est des hormones mâles. Les faibles enterrés dans des traumas. Mes frères dans le coma, des veuves des traumas. Arrache-toi de la banlieue, ici c'est crime et chômage. Réfléchis, il suffit d'une balle, je te préviens. Joue pas les fous si tu mets des ballerines. Respect, respect à ceux qui visent les grosses sommes. Ceux qui risquent leur vie pour mettre bien la mifa. Les vrais bonhommes. Ils sont passés les hommes dans mon ghetto. Qui dansent ses coups et puis les poids me dégoûtent. Mal au cœur qui perce mon âme. Et à micro les achète. Faut qu'on les flingue, qu'on les flingue. Ils ont passé les hommes dans mon ghetto. Qui danse ses coups et puis les poids me dégoûtent. Gros mal au cœur qui perce mon âme. Et à micro les achète. Faut qu'on les flingue, qu'on les flingue.